Regarde, c'est ma famille. Là, c'est ma sœur. Elle s'appelle Laure. Elle a 13 ans. Et ton frère, il s'appelle comment ? Il s'appelle Martin. Il a 15 ans. Et voici mes parents. Ma mère s'appelle Agathe et mon père s'appelle Rémi. Et là ? Ce sont mes grands-parents.